dimanche le 7 octobre au Metropolis avec invités Elt et Contra Void. Les billets sont disponibles dès maintenant sur le site evenco.ca. Ne manquez pas Crystal Castles le 7 octobre au Metropolis. Présenté par Evenco et Greenland. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le Terminus. Bonsoir à tous en direct des studios du CISM, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus dédiée au rock indépendant. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour la prochaine heure et bien, on va commencer l'émission par peut-être les grandes nouvelles en fait. Donc je vous disais la semaine dernière, émission Le Terminus qui est renouvelée mais qui change de case horaire, donc dès la semaine prochaine. On va se donner rendez-vous les vendredis à 21h, donc je suis très content de cette case horaire-là. Donc on passe du jeudi 19h au vendredi 21h, donc tout de suite après l'émission Le Potluck, donc super intéressant. Et au niveau du concept de l'émission, on va continuer dans à peu près la même veine avec donc de temps en temps des entrevues. Et déjà, on est en discussion là, pour des artistes là, que vous devriez apprécier qu'on va accueillir à l'émission dans les premières semaines de septembre. Pour l'émission de ce soir, ben, on va avoir quand même beaucoup de trucs qui sont sortis dans les dernières semaines. Pour vous donner un petit aperçu, on va avoir du Bored Nothing, Fulton Lights, Cartoons, Deadly Syndrome et aussi côté francophone, Polyp, WD-40 et j'en passe. On va débuter avec Wild Moth. Un nouveau groupe post-punk de San Francisco. Et malgré le fait qu'ils soient sortis, qu'ils se soient formés il y a seulement... ils sont formés, je crois, il y a moins d'un an. Ils ont déjà sorti un démo au mois de mai dernier et un EP en juin dernier. Et tous les deux sont disponibles gratuitement si ça vous intéresse. Alors, on va entendre tout de suite du groupe Wild Moth, la chanson Morning Glow, sur les ondes de CISM. un trio écossais, Paz, comme dans une pâte ou des pâtes, Paz, donc un trio qui... Et c'était la chanson, donc, Miss American Bookworm, et ça se retrouve sur leur premier album, Coke Float, qui va sortir le 10 septembre sur Fat Cat Records, une étiquette vraiment super, super bon label, justement, de ce coin-là, de l'Écosse. Et le groupe Paz sont justement en tournée actuellement avec Japan Druids en Europe, donc on espère qu'ils viennent faire un tour de notre côté. Et je sais pas pour vous, hein, mais la voix du chanteur de Paz ressemblait pas mal à celle du chanteur de Hot Hot Heat. Mais bon, ben, je préfère un petit peu Paz quand même par rapport à Hot Hot Heat. On va poursuivre tout de suite avec une vieille chanson de WD-40, Tristesse, qui se retrouvait à l'origine sur un vieil album qui était sur cassette, il me semble, qui s'appelait Le Calvaire d'un Cowboy. C'était vers 1995. Mais le groupe a environ 6 ans plus tard, non, 10 ans plus tard, réenregistré la chanson et elle se retrouve maintenant sur la compilation Tout pour le Rock qu'ils ont sorti là, vers 2006. Donc on va entendre cette chanson-là, Tristesse, de nouvelle version pour la compilation. C'est toujours sur les ondes de CISM, La Marge. Oh, François Lusignan avec vous jusqu'à 20h pour Le Terminus, une émission qui est dédiée au rock indépendant. Il est d'entendre The Riddle and Me du groupe de Baltimore, Fulton Lights. C'est tiré de leur tout nouvel album Am I Right or Am I Right? Ils ont peut-être un petit quelque chose de Modest Mouse, en tout cas encore une fois dans la voix du chanteur. Donc je fais beaucoup de comparaisons ce soir dans les voix de chanteurs. Donc cette fois-ci, c'était avec Modest Mouse et c'était précédé The Bored Nothing. Avant Fulton Lights, c'était Bored Nothing et la chanson Snacks. Et de leur côté, Bored Nothing, ben, ils sont de Melbourne en Australie. Donc Melbourne, Baltimore, on voyage quand même beaucoup à l'émission Le Terminus. Donc on va tout de suite amorcer le prochain segment avec du francophone, cette fois-ci Stromboli du groupe. Je mélange mes choses, Stromboli, nom de l'album de Montgomery, la chanson Athlète. Et ça suivi de Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, sur les ondes de CISM. Polype avec Super Humain. Et ça semble pas mal être la fin hein, pour le trio Polype parce que c'est pas bon signe quand on veut consulter le site officiel d'un groupe et que ça nous redirige vers un site de shampoing japonais. Il y a un signe qu'il se passe pas grand-chose avec Polype ces temps-ci, même qu'on a pu voir hein, dans les derniers mois. Dans les spectacles de We Are Wolves maintenant, un des membres de Polype s'occupe maintenant des percussions, donc il semble peut-être être un petit peu moins occupé avec Polype. Un groupe Polype quand même qui est intéressant, qui n'aura peut-être jamais atteint le potentiel qu'il avait, mais donc on continue à suivre si jamais le groupe revient en activité. Et avant Polype, vous avez entendu « Someone Still Loves You » Boris Yeltsin, et je trouverais ça assez drôle en ayant la pochette dans les mains. On parlait au moment de la sortie de l'album de ce groupe-là, là, « Bloom » en 2006, que c'était peut-être le prochain « Shins ». C'était à l'époque où Shins avait beaucoup connu de succès avec la trame sonore du film Garden State. Et là, on disait peut-être qu'il serait les prochains Shins. Eh bien, non. Ce groupe-là, Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, n'a pas été le prochain Shins, même qu'ils ont sorti notre album récemment et c'est peut-être pas super, super réussi. Mais quand même intéressant comme groupe. Petite indie pop rock charmante. Donc, pour consulter, hein, je vous rappelle la liste des chansons qui ont joué ce soir. C'est toujours sur le CISM893.ca que vous devez vous rendre, également aussi balado-diffusion qui est disponible à cet endroit-là. On poursuit avec une nouvelle entrée sur le palmarès album anglophone de la station. C'est l'album All in Time de Dearly Syndrome. On va écouter tout de suite la chanson Main à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Yeah. 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. Le Globe avec 77, une chanson qui se retrouve sur Poste Orchestre de Mariage, qui est un EP qui est sorti l'année dernière et qui est disponible gratuitement sur Internet. Et le Globe a déjà annoncé qu'ils ont un deuxième EP qui va sortir en octobre prochain, c'est ça, dans un peu plus d'un mois. Et un EP qui aurait été enregistré en même temps que la chanson Partie de l'ignorance, une chanson qu'ils ont mis en ligne en juin sur leur Bandcamp et qui dénonce en gros là, le Parti conservateur et qui pourrait aussi s'appliquer au Parti de Jean Charest, au dire du groupe. Donc à suivre pour le Globe, nouvelle musique qui s'en vient bientôt. Et avant ça, vous avez aussi entendu Cartoons, un groupe canadien, avec Midnives. On va maintenant entendre un groupe que j'ai eu le très grand plaisir de recevoir plus tôt cet été à l'émission. C'est Peter Kernell, la chanson Shoot Back sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Thank you. Better Places de Tuesday Glass, qui se retrouve sur une compilation de jeunes groupes de Los Angeles qui s'appelle Generation Why Not, donc une compilation de groupes de jeunes de la génération Y et qui vous pouvez retrouver sur le site internet de Jaxart Records, Jaxart avec un X dans le milieu. Et ben, je vous dis, je vais vous dire tout de suite qu'on est rendu à la fin de l'émission pour cette semaine. Et on fait la semaine prochaine, c'est le retour des sessions live, hein, après une petite pause estivale. Et on a déjà annoncé que c'est Denis Placard qui sera là la semaine prochaine, jeudi prochain, donc dès 19h. Et l'émission Le Terminus, comme je le disais en début d'émission, passe maintenant les vendredis à 21h. Donc c'est un rendez-vous dès la semaine prochaine à partir de 9h vendredi. Donc Étienne Champagne va toujours être là dans la nouvelle grille horaire, donc il sera avec vous également dans les prochaines minutes. Étienne Champagne et son émission Rhythmologie jusqu'à 22h. On va se quitter avec la musique de Weekend, la chanson Age. Classe, c'est ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne fin de soirée. À bientôt! Evenco présente le groupe américain punk rock Rise Against. Le mercredi 12 septembre au Centre Bell, avec invités spéciaux The Gaslight Anthem et Hot Water Music. Procurez-vous vos billets au evenco.ca. Le retour de Rise Against à Montréal, le 12 septembre au Centre Bell. Yo, yo, les vendredis à CISM, les d'habitude, papa, maman, disent « Ah, va dodo, là, là. » Là, je dis « Hey! » Pas entre 16h et 18h. La fin de semaine, besoin d'écouter de la bonne musique. Pas Non, pas ça. Jim Roy présente La Grande Traversée, vendredi, 16h. En tout cas, ça va être bon. Pour la deuxième fois en moins d'un an, Montréal reçoit Godier. Vendredi 21 septembre au Quai Jacques-Cartier, venez découvrir l'Australien qui fait un malheur en Amérique. Avec invités, Chairlift et Zamuto. Billets disponibles au evenco.ca. Godier, le 21 septembre au Quai Jacques-Cartier. Une présentation d'Evenco, Live Nation, Greenland et Pop Montréal. Hey, you're listening to CISM Montreal. With us, Mother. Tell me your weakness. Oh, I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice, but then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Bonjour. Vous aimez la musique? Vous ne parvenez pas à faire la différence entre les perles et les bofs? Les incontournables classiques et les disques à oublier sous le tapis? Eh bien, faites appel au service de dépoussiérage incorporé. Le mardi de 7h à 9h, laissez nos professionnels qualifiés mettre de l'ordre dans votre monde social, culturel et politique. Avec le sympathique Georges vos affaires. Polinque, dépoussiérage incorporé. C'est le mardi matin sur les ondes de CISM 89.3 FM. Est-ce correct? Plus de soucis, plus de problèmes. L'avenir est le fun avec Pop Montréal. Du 19 au 23 septembre, Pop fêtera sa 11e édition en présence du Bass God, le grand Lil B. Il sera rejoint par d'autres têtes d'affiches célébrissimes comme Grizzly Bear, David Byrne, Hot Snakes, Grimes, Gangnam Dance, Peaches et Chili Gonzalez. D'autres légendes seront aussi de la fête, telles que Jimmy Bohorn et André Williams, ainsi que plusieurs artistes émergents. 300 groupes, arts visuels, films, artisanat, activités pour enfants et conférences du symposium. Et oui, le futur est plus fun que jamais. Pour informations, billets et passes, rendez-vous au popmontréal.com. À CISM, on ne fait pas juste parler de musique. Le 4 septembre prochain, suivez le dévoilement des résultats électoraux en direct sur nos ondes de 20 à 23 heures. Menée par l'équipe de l'émission Le 63-24, nos animateurs feront retour sur la campagne et analyseront les résultats. Le tout ponctué d'interventions de gens du milieu politique. Pour une soirée électorale dans la marge, écoute CISM 89,3 FM de 20 à 23 heures le 4 septembre. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Montréal dans la place, tiré du deuxième volume de Pew Pew Music, c'est Bully de Gren Buddha. Vous pouvez aller télécharger ça sur Bandcamp. On vous l'offre gratuitement. Il y a deux volumes de beatmaker purement montréalais. Étienne Champagne avec vous. Bienvenue.